السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal la lecture et l'étude de l'épître des trois fondements. On demande à Allah Azza wa Jal de nous assister dans cela. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة الأصل الثالث معرفة نبيكم وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. L'auteur du livre rahimahullah ta'ala a dit: le troisième fondement, c'est la connaissance de votre prophète. Il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim. Hashim est issu de la tribu de Quraysh, et Quraysh fait partie des Arabes, et les Arabes font partie de la descendance de Ismaïl, fils de Ibrahim. Sur lui les meilleurs éloges et salutations, ainsi que sur notre prophète. Après avoir mentionné le premier et le deuxième fondement, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, cite le troisième et le dernier fondement de cet épître, qui est la connaissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le noble cheikh Salih al-Fawzan nous dit, hafidhahullah ta'ala, du fait que le messager est l'intermédiaire entre Allah et ses serviteurs dans la transmission de la religion, alors la connaissance du messager est également obligatoire, car comment peux-tu suivre une personne que tu ne connais pas? Si la connaissance d'Allah Azza wa Jal est obligatoire, il est également obligatoire d'apprendre qui est le messager, car il est l'intermédiaire dans la connaissance d'Allah. Et il n'est pas possible de connaître Allah qu'à travers le biais du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Zadul Ma'ad, dans le chapitre La nécessité et l'obligation de connaître le messager. Il dit, rahimahullah ta'ala, à partir de là, tu vois l'obligation sur les serviteurs de connaître le messager et ce qu'il a apporté avant toute autre nécessité, de croire en ses informations et de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Car il n'y a de chemin qui mène vers le bonheur et la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, si ce n'est le chemin des messagers. Il n'y a pas de chemin vers la connaissance du bon et du mauvais en détail, si ce n'est de leur côté, et on atteint l'agrément et la satisfaction d'Allah qu'à travers leur voix. Le bien parmi les actes, les paroles et les bons comportements n'est autre que leur voix et ce qu'ils ont apporté. La bonne parole, les bonnes œuvres et les bons comportements sont pesés à travers les bonnes paroles, à travers les paroles, les œuvres et les comportements des messagers. À travers leur suivi se distinguent les gens de la droiture des gens de l'égarement. La nécessité et le besoin envers les messagers est plus immense que le besoin du corps envers son âme, plus immense que le besoin de l'œil envers ou vers sa lumière ou à sa lumière, que le besoin de l'âme à sa vie. N'importe quelle nécessité que l'on peut trouver, alors la nécessité du serviteur vis-à-vis des messagers est au-dessus de tout cela. Il dit ensuite, que penses-tu si on te cachait la guidée du messager le temps d'un clin d'œil? Ton cœur serait corrompu et deviendrait tel le poisson hors de l'eau placé dans une poêle. De même, le cœur du serviteur dont le cœur s'est séparé de la guidée et de la voix du messager serait à l'image de ce poisson et plus pire que cela. Mais seul un cœur qui vit peut ressentir cela. Comme disait le poète, les blessures ne font aucun mal à celui qui est déjà mort. Il dit également, si le bonheur du serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà est lié et est suspendu au suivi et à la guidée du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est donc obligatoire pour celui qui est sincère envers sa propre personne et qui souhaite sauver son âme et souhaite le bonheur qu'il apprenne de sa vie, c'est-à-dire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa guidée, de sa biographie et de ses différentes situations. Cela le fera sortir de l'ignorance et le fera entrer parmi ses suiveurs et les gens de son groupe. Et le bienfait tout entier est dans la main d'Allah, il le donne à qui il veut et il est certes le détenteur des faveurs immenses. Fin de citation. Cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim nous montre l'importance de connaître, d'apprendre la biographie de celui qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour toutes les créatures, le dernier des prophètes qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur mentionne dans ce premier paragraphe la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière résumée. Quant à sa lignée de manière un peu plus détaillée, il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdi Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de An-Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Voilà la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont les savants sont unanimes. Lorsqu'Allah Azza wa Jal envoie un messager dans un peuple, il envoie le plus noble parmi eux, et celui qui possède les meilleurs traits de caractère et comportement. Et certes, toutes ces caractéristiques sont présentes en la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith de Wathila radiallahu anhu, le hadith qui est présent dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a choisi Kinana parmi les enfants d'Ismaïl, et il a choisi Quraysh parmi les enfants de Kinana. Il a choisi Hashim parmi les enfants de Quraysh, et il m'a choisi parmi la descendance de Hashim. » Quant à sa naissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant, qui est l'année où le roi Abraha a voulu détruire la Kaaba avec un immense éléphant. Arrivé à un certain endroit à Mecca, lorsqu'il voulut se diriger vers la Kaaba, l'éléphant refusa d'avancer. Et à ce moment, Allah Azza wa Jal envoya des oiseaux qui portaient avec eux des pierres de l'enfer. Allah Azza wa Jal dit à cet effet en rappelant au peuple de Quraysh dans Sourate Al-Fil, « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant ? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée, qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée ?» C'est donc en cette année que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né. Son père, Abdullah, décéda alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, Aminatu bint Wahbin. Après sa naissance, il fut allaité par Halimatu bint Zuhayb. Sa mère mourut alors qu'il avait 6 ans. Il fut confié après cela à son grand-père, Abdul Muttalib, et après la mort de son grand-père, il fut confié à son oncle, Abi Talib. Un jour, il voyagea avec son oncle au Cham, qui est la Grande Syrie. Il avait à ce moment 12 ans. Ils passèrent par un moine du nom de Bahira. Ce moine sortit vers eux, prit la main du prophète et fit l'annonce de la prophétie de Mohammed. Il dit « Celui-ci est le messager de l'univers, Allah l'enverra comme miséricorde pour les mondes. » Et il cita certains signes de la prophétie qu'il y avait en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyagea une deuxième fois au Cham alors qu'il avait 25 ans. Il voyagea au Cham pour le commerce de notre mère Khadija bint Khuwaylidin. Elle était une femme commerçante. Elle avait entendu parler de la loyauté et de l'honnêteté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa véracité. Elle l'engagea alors pour qu'il commerce avec son argent au Cham. Ce fut un succès et les bénéfices furent très nombreux. Khadija radiallahu anha avait envoyé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un de ses travailleurs. Et au retour de ce voyage, ce dernier fit de nombreux éloges concernant le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci plut Ta Khadija, radiallahu anha, elle envoya alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il la marie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta et la demanda en mariage et l'épousa. Khadija, radiallahu anha, avait à ce moment à peu près 40 ans. Khadija, radiallahu anha, donna naissance à 6 enfants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 garçons qui sont morts avant la révélation, qui sont Al-Qasim et Abdullah, et 4 filles qui se sont toutes converties. Elles sont Zainab, Umm Kulthum, Fatima et Ruqayya, radiallahu anhunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Khadija, qui était une femme pieuse. D'ailleurs, l'ange Jibril alayhi salam rapporta les salutations d'Allah pour elle et lui fit l'annonce d'une demeure au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également qu'elle faisait partie des meilleures femmes qui avaient foulé cette terre. Elle mourut 3 ans avant l'Hégir, radiallahu anha. Ensuite, l'auteur du livre a dit « وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سَنَةً 40 قَبْلَ النُّبُوَّةِ و23 نَبِيًّا مُرْسَلًا نُبِّئَ بِإِقْرَى وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ وَبَلَدُهُ مَكَّةِ وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ » Il dit « Il vécut 63 ans, dont 40 avant la prophétie et 23 en tant que prophète messager. Il fut prophète avec la révélation du verset « Li » et envoyé comme messager avec la révélation de la sourate Al-Muddathir, sa ville est la Mecque et il émigra vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut 63 années, 40 ans avant la prophétie. À l'âge de 40 ans, alors qu'il était dans la grotte de Hira, loin des polythéistes, l'ange Jibril alayhi salam descendit avec la révélation. Ce fut le 24 du mois de Ramadan. Jibril alayhi salam lui dit « Lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange Jibril le saisit alors, l'enlaça et le pressa. Il le relâcha ensuite et lui dit « Lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange Jibril répéta cette action 3 fois. Ensuite il lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sourate Al-Alaq, versets 1 à 5. À la suite de cela, il rentra chez lui. Il tremblait de peur. Il trouva sa femme Khadija et il disait à ce moment-là « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Il lui raconta alors ce qui s'était passé. Elle le réconforta et lui dit « Par Allah, Allah ne t'humiliera jamais ». Ensuite, il fut envoyé en tant que messager avec la sourate Al-Muddathir. Il reçut l'ordre de mettre en garde contre le polythéisme et d'appeler les gens à Allahu Azza wa Jal, d'appeler les gens à l'unicité d'Allahu Azza wa Jal. L'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé de manière discrète, en secret. Il invitait les gens parmi ses connaissances et autres à embrasser l'islam. Il enseignait, donnait les informations en secret. Ce fut la première étape de son appel. Ensuite, il reçut l'ordre d'Allahu Azza wa Jal de ne pas se préoccuper des polythéistes et d'appeler ouvertement les gens à Allah, de ne pas se cacher et d'inviter ouvertement les gens à l'islam. Allahu Azza wa Jal dit à cet effet dans Sourate Al-Hijr, verset 94, « Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. » Ce fut la deuxième étape de son appel, d'appeler ouvertement les gens à délaisser les idoles et de vouer les actes d'adoration à Allahu Azza wa Jal seul. Ensuite, l'auteur du livre a dit « Ba'athahu Allahu bin nazarati ani shirki wa yad'u ila at-tawhid » والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. L'auteur a dit, Allah l'a envoyé pour avertir du polythéisme et appeler au monothéisme. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, « Ô toi le revêtu, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre sa grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. » Le sens du verset « lève-toi et avertis », c'est-à-dire « avertis, avertir du polythéisme et appeler au tawhid. Celui de « et de ton Seigneur célèbre la grandeur », c'est-à-dire de célébrer sa grandeur par son unicité. Quant au sens de « et tes vêtements purifie-les », c'est-à-dire « purifie tes actes de toute forme de polythéisme et de tout péché écarte-toi », le péché désigne ici les statues, s'écarter d'elles, les délaisser, se désolidariser d'elles et de leurs adeptes. Le noble cher Salih al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, nous dit, voici l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de mettre en garde contre le polythéisme et d'appeler les gens à l'unicité d'Allah. Et certes, il est obligatoire à tout prédicateur, dans sa prédication, de se concentrer sur la mise en garde contre le shirk, le polythéisme, et d'appeler les gens à l'unicité, au tawhid. Ceci avant toute chose, car dans le cas contraire, son appel ne sera pas conforme à la méthodologie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le tawhid est le fondement et la base. Il n'y a de félicité qu'avec la présence du tawhid. C'est pour cela qu'il est obligatoire de se concentrer sur cela, d'appeler les gens au tawhid, de leur apprendre ce qu'est le tawhid, d'éclaircir aux gens ce qu'est le polythéisme et le tawhid. Ensuite, l'auteur du livre a dit « أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنوات وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. » L'auteur du livre nous dit, il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Il pria alors à la Mecque durant 3 ans, puis on lui ordonna d'immigrer vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les gens à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Et il mettait en garde contre le polythéisme, ceci pendant 10 ans. Pendant ces 10 années, Allah lui ordonna d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk. Il disait aux gens, « Dites la ilaha illallah et vous serez sauvés. » Et eux disaient, أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Lorsqu'il leur disait cela, il répondait, a-t-il fait de toutes les divinités une seule divinité? Certes, ceci est une chose bien étrange. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé au ciel et les 5 prières furent prescrites. Cet événement de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est appelé le voyage nocturne et l'ascension. Cet événement fait partie des signes et des miracles d'Allah Azza wa Jal, qui prouvent la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À travers cet événement, Allah a éprouvé les mécréants, qui ont dit lorsque le prophète informa de ce qui s'était passé, ils dirent aux croyants, « Votre compagnon prétend qu'il a voyagé en une nuit jusqu'à Jérusalem, Baytul Maqdis, alors que c'est une distance qui se fait à dos de chameau, dans une durée de 1 mois aller et 1 mois retour. » Lorsque les mécréants dirent ceci à Abu Bakr, radiallahu anh, il dit, « S'il, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit cela, alors ceci est vrai et je le rends véridique. » Comme ceci est rapporté dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha. Le noble cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, nous dit, il est obligatoire de croire que le prophète a fait le voyage nocturne et a été élevé au ciel de son corps et de son âme, ensemble. Il était éveillé et ce n'était pas un rêve. La preuve concernant le voyage nocturne est citée dans le premier verset de Sourate al-Isra, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. » Quant à la preuve de l'ascension, elle est citée dans le hadith de Malik ibn Sa'sa'a Al-Ansari radiyallahu anhu. De façon résumée dans le sens du hadith, il dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'enceinte de la Kaaba, Jibril alayhi salam vint à lui avec une bête appelée Al-Buraq, plus petite qu'un mulet et plus grande qu'un âne. En un pas, cet animal parcourait la distance le séparant de l'horizon. Il monta sur l'animal sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à arriver avec Jibril à Baytul Maqdis, à Jérusalem. À cet endroit, il présida la prière en présence de tous les prophètes et messagers. Ensuite, Jibril alayhi salam le fit monter au premier ciel. Jibril demanda qu'on lui ouvre, on lui demanda qui est-ce, il répondit c'est Jibril. On lui demanda qui était avec lui, il dit avec Muhammad. Au premier ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva Adam. Jibril lui dit « Voici ton père Adam, salue-le. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua. Adam alayhi salam lui rendre le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit à la droite de Adam les âmes des bienheureux et à sa gauche celles des malheureux, issues de sa descendance. Lorsque Adam regardait à droite, il riait et se réjouissait. Et lorsqu'il regardait à sa gauche, il pleurait. Ensuite, Jibril le fit monter au deuxième ciel. Le prophète trouva Yahya et Isa, alayhim assalam. Il les salua et eux de répondre au salut. Jibril le fit monter au troisième ciel. Le prophète trouva Yusuf, alayhim assalam. Le prophète le salua et Yusuf, alayhim assalam, répondit au salam. Ensuite, Jibril le fit monter au quatrième ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva Idris alayhi salam. Le prophète le salua et lui de répondre au salut, au salam. Puis Jibril le fit monter au cinquième ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva Haroun, le frère de Moussa. Le prophète le salua et lui de répondre au salam. Puis Jibril le fit monter au sixième ciel. Le prophète trouva Moussa alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua et lui de répondre au salam. Puis Jibril alayhi salam le fit monter au septième ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva Ibrahim alayhi salam, l'ami privilégié du tout miséricordieux. Jibril dit « Voici ton père Ibrahim, salue-le. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua et Ibrahim de répondre au salam. Ainsi Jibril fit visiter aux messagers les différents prophètes pour l'honorer et faire apparaître son degré et son mérite. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé vers le lotus de la limite, Sidratul Muntaha, qui est enveloppé d'une beauté et d'une splendeur. Puis Allah Azza wa Jal ordonna et imposa au prophète et à sa communauté d'accomplir 50 prières de nuit et de jour. En descendant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa aux côtés de Moussa, qui lui demanda ce qu'Allah lui avait imposé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit 50 prières. Moussa alayhi salam lui dit alors, ta communauté ne pourra supporter une telle charge. Retourne vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger le nombre de prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de retourner vers Allah et de lui demander d'alléger les prières jusqu'à ce que le nombre de prières atteigne 5 prières. Ensuite, une voix se fit entendre, mon obligation est prescrite. Et j'ai soulagé mes serviteurs. Et dans la version de Anas ibn Malik, il dit 5 prières ou cette voix, 5 prières qui équivaut à la récompense de 50 prières. À la suite de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria pendant 3 années à la Mecque. Ensuite, lorsque le mal des Mécois s'accrut sur les musulmans, Allah Azza wa Jal ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers Médine.